Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. André Toussaint, les Bahamas, il y a fort longtemps, bienvenue dans la nuit des temps. Mujer, si puedes tú con Dios te hablar, preguntarle si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Qué lejos estás de mí. R de rumba. R de rumba. R de rumba. R de rumba. Rap solo. R de rumba. R de rumba. 2004. Rumba. R de rumba. Rap solo. R de rumba. Rumba. 2004. Zaragoza. R de rumba. Rumba Rubén. Rap solo. R de rumba. El ritmo es de rumba. De rumba. Shinza Dopeness est l'un des rappeurs les plus open, les plus cool et les plus inventifs du Japon. Il a bossé avec un nombre considérable de musiciens comme LKO, Waguru ou Zam, et son son dépasse aujourd'hui largement les frontières. Tube, T-U-B-E. Voici Tube. Superski, c'est le mix de l'électro-hybride d'Eliott Litrovski, un producteur français installé à Copenhague, et la post-trance de Voiski, qui ne craint pas, lui, la dureté des rythmes électro. On ressort les vieux synthés analogiques, on pilonne, mais dans un classicisme absolu. C'est Superski, et nous sommes en 2022. Tropical Cyclone. We'll be right back. sont originaires de Basildon. C'est la grande banlieue de Londres, à environ 40 km des clubs et des soirées branchouilles. Une distance nécessaire pour Alison Moyette et Vince Clarke pour inventer des sons synthétiques et singuliers. Vince Clarke a été l'un des membres fondateurs de Depeche Mode. C'était au tout début et visiblement, ça s'est mal fini. Alors en 1982, il se tire et fonde ce duo Yazoo. Yazoo, c'est le choc entre une voix soul et une boîte à rythme implacable. Don't go. Yazoo. Nous sommes en 1982 et vous êtes sur Radio Duo dans la nuit des temps. La nuit des temps, l'international de la danse. Ladies and gentlemen, we would like to welcome each and every one of you here tonight. But we're gonna do our best to suck it to you in every way we can. Yeah, all right. But first of all, let me help you to what's happening. Let me tell you who you're being entertained by. J-Rock. J-Rock. Little nigga J-Rock. Bumpin' J-Rock. What did you say your name was? Just call me J-Rock. Rock. I wanna J-Rock. Well, let's rock. Just rock it out. J-Rock. J's rockin'. Is he rockin' it? Yes, yes, he is rockin' it. J-Rock, oh, J-Rock. J-Rock from the Beat Junkies. You know my name, J-Rock. On the rock. We're rocking to the sounds of the number one J-Rock. Rock this show. Rock show, rock show, rock show, rock show, rock show, rock show, rock. This is your real rock. Rock that shit, homie. J-Rock this, J-Rock. Rock this mother like Mighty Mouse. You are not rocking with the best. What did you say your name was? J-Rock. Ready to rock the house. You're super rock. Gotta rock it, don't stop. Rock's the best. J-Rock, throw your record on, you feel like a law. J-Rock. Rock the house, yo. World famous beat junkie. J-Rock. Listening to musical ink blots brought by the funky president J. Rock, rock, rock. Gotta rock it, don't stop. J-R-O-C-T. J-Rock, my cut. Beat junkies. Yo, yo, yo, yo, that was fresh, but bust the swing. Speech, c'est le rappeur. Headliner, c'est le DJ. Et nous sommes à la fin des années 80, nous sommes à Atlanta. C'est la patrie du mouvement afro-américain, des droits civiques avec Martin Luther King. Et Desozo fonde à cette époque un groupe assez incroyable qui s'appelle Arrested Development. C'est un groupe qui se situe à l'opposé des gangsta rap. C'est plutôt un collectif à dimension variable qui joue une musique avec pas mal de textes engagés et puis surtout qui mixe plein de sons issus de l'afrobeat, du hip-hop, du blues et de la soul. Et nous sommes ici en 1992. Nous sommes en Géorgie. C'est l'un des sommets d'Arrested Development. C'est You et c'est For You. People out there, love. To you. Surrounded by a better image of a sister who's new, but of a different marriage. Marriage takes discipline, a problem that exists within the American culture I resist against. But I must recall, and I trust it all I learned through life is giving way to a wife, y'all. Cause I want and I need a companion to feed the knowledge I read and the loving I receive through moms and my palms is a long life. So here I pray for the day I have a strong wife, or a strong son, or daughter, or strong both. Give them a foundation of values, I think I'll make a great coach for them and warn them of sin. And maybe by then, they can nip it in the bud before it begins. So hey, if you're listening and you wish it for you like me, that you have in store. Maybe I could be the you for you, and you could be the you for me too. Baby. I'll bet if I lose it's 5 cents, if I win it's 5 decades more, a life of the wife and 2-3 kids. My parents want grandkids with big heads like mine, running and jumping on the bed with my brownish eyes. A sort of a pressure to be married and chill, but tearing on emotional gaps need to be filled. So I'm sort of social lonely in the spare time. Most of the time I'm busy working on a beat around. I don't want just a sex partner, female friend, a buddy to be played with like silly putty. I want to be played with like clay and spindle, wet it, mold it, bend it, let it hard, never dwindle. Ask all longevity, different than what you read and see on TV. So hey, if you're listening and you're wishing for you like me that you have in store, maybe I could be the you for you, and you could be the you for me too. So I pray for a deep sister, yeah. Take the life out on a nice day, right. Never thinking hoe a bitch or nothing like that. That's a boy's job, I'm a mandate, and I can do my thing in action. Boy, that's what's happening. Have a funky hungry jack meal and set it. My mom's gives me daily lessons of cooking, yeah. African dishes. wishes. My wishes to be all I could be for you. Who you is, me don't know, only you. I let down all my defenses, let you and your entire family in my sight. Only you can relate to me, only you can believe me. In my world it's just us three, you, me, and G.O.D. La chaise longue, tu devrais être plutôt à l'horizontale. Maman, papa, regardez-moi. Jackson, Lynn Jackson, Pat Jackson, Ray Jackson et Jenny Jackson forment les Jackson Sisters au tout début des années 70. Elles sont installées à Détroit, la ville cousine de Saint-Étienne. Et bien avant la techno, c'est une usine à soul qui tourne à plein. Nous sommes en 1976. I want to be Après une rencontre en 2018 avec des musiciens percussionnistes, poètes, beatmakers du petit village de pêcheurs sénégalais de Touab Diallo, que le producteur suédois Carl Jonas Wingvist rentre en Suède avec quelques souvenirs enregistrés. Le lien se poursuit via des échanges de sons sur WhatsApp avec Aruna Kane, l'ingénieur du son basé au Sénégal. Et ça donne naissance au Wawo Collectif. C'est notre power play de la semaine et c'est absolument magnifique. Yaral sa dom ba muy gune. Yaral sa dom ba muy gune. Yaral sa dom bu mangé jirim kuné. Yaral sa dom ba muy gune. L'histoire des Heatwave débute en Allemagne au milieu des années 70 avec les frères Wilder. Ils sont américains et effectuent loin de chez eux leur service militaire. Une fois leur obligation finie, ils décident d'y rester et commencent à jouer dans quelques groupes locaux. Par la suite, ils partent pour l'Angleterre où ils rencontrent Rod Temperton. C'est le futur producteur de Thriller de Michael Jackson. Et voilà, et ça donne ça. Got to keep on dancing. dancing. Got to keep on dancing. Keep on dancing. C'est déjà fini, c'est l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club, la nuit des temps, situé quelque part sur les ondes, avec un studio et une grande antenne métallique, pas loin, pour diffuser toutes les playlists de ce club. Et ce soir, sur le dance floor, nous avons reçu André Toussaint depuis les Bahamas. Dopness, alors lui c'est le rap, et son son se situe plutôt à Tokyo. Et en plus, c'est un grand amateur de café, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Il y a une pincée de Prince, pour quelques vocalises depuis ses débuts de carrière, en 1978. Il y avait également Superski, les Yazoo, depuis le Londres des années 80, les bricolages mégalo de G-Rock, Arrested Development, là, c'est depuis les années 90, 2022, Young Favors, les fantastiques Wet Legs et leurs chaises longues est tellement recommandable en live. Les Jackson Sisters en 1976, mais redécouverte dans les années 90 en Angleterre par quelques DJ. Le Wawa Collectif depuis le Sénégal et en power play cette semaine, une merveille absolue. Et on a terminé avec le Boogie Night de Heatwave. Dans quelques secondes, en bonus spécial, on écoutera pour se quitter Benny Burke avec son modeste You're the Best. La Nuit des Temps n'est pas un club ouvert uniquement le jeudi soir, de 21h à 22h, mais vous pouvez le retrouver en podcast sur le site de Radio Duo ou sur Instagram pour suivre la programmation à La Nuit des Temps 2. Bien sûr, nous allons nous quitter, comme chaque semaine, mais par bonheur, les étoiles restent, elles, dans le beau ciel de Saint-Étienne. On se retrouve la semaine prochaine, sur ces ondes, pour traverser le temps et l'espace. Belle nuit à vous. Salut! You make the sun.